Le chat du rabbin de Johann Svar, publié chez Dargaud. Adaptation radiophonique Catel Guillou. Neuvième épisode. Frères ennemis. Le cheikh Mohamed Svar est un grand musicien. Il parcourt sans cesse l'Afrique et le golfe persique à la recherche de nouveaux airs. Quand on lui demande en quoi consiste son métier, il a l'habitude de répondre « Je collecte des chants ». Et qu'en fais-tu ? Oh, mon maître de toute ta géographie musicale. C'est vrai, quoi. Tu es le plus savant des chanteurs, mais tu ne joues que pour toi. C'est absurde. Cesse de braire un peu. On t'entend trop. Pas étonnant que tu ne comprennes rien à la musique, mon âne fidèle. Tu ne respectes jamais les moments de silence. Chaque année, le cheikh va en pèlerinage sur la tombe d'un saint de ses ancêtres. C'est étrange qu'on n'ait pas croisé le rabbin Svar. D'habitude, il nous rejoint aux abords de ces dunes. Mais, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? On dirait un camion. Hé, couvert ! Tu as vu ce bon niveau ? En plein haut ! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Et qu'est-ce que c'est que ce drapeau ridicule avec une étoile de David au milieu de deux aigles accolés? C'est l'Empire russe. Et c'est Jérusalem. On va envahir l'Afrique, ça vous dit? Ils s'en foutent, ces juifs. Mon maître a dû tout expliquer à son cousin Svar. Je sais, c'est une aventure un peu extravagante. Mais rassure-toi, c'est l'autre Urmi-Bermu là qui paye. Et si on ouvrait une bouteille de vodka? Ah bon? En tout cas, on a besoin de toi. Tu peux pas dire non. Le cheikh vit dans cette expédition l'occasion d'apprendre de nouvelles chansons. Il accepta de mettre son savoir au service de notre entreprise. Mais seulement si vous me promettez de ne pas aller plus vite que mon âne. Pas de problème. On a tout notre temps. Et puis d'abord, nous devons faire notre pèlerinage. D'accord. L'ancêtre sera sûrement honoré qu'on vienne le voir en camion. Et pour ma part, je préférerais lui rendre visite de manière plus discrète. Non, tu n'y connais rien. Ce véhicule est une authentique autochtonie Citroën. Il a même fait la croisière noire avec au doigt du breuil. Eh bien, espérons qu'il est encore disposé à reprendre la route. Et comment ? Regarde-moi cette merveille. Combien ça contient d'essence, à ton avis ? Allez, vas-y, dis un nombre. 180 litres. Tu te rends compte ? Oui, c'est très joli tout ça, mais je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas plutôt le bateau. Un bateau ? Mais pourquoi faire ? Eh bien, il me semble que ce serait plus court pour le joindre l'Éthiopie, non ? Oh ! Non. Et puis, nous, on préfère le camion. Hein, les amis ? Oh oui, on préfère le camion. Le camion, on préfère, oui. Le peintre était ravi. Non seulement il avait pu ajouter une étoile de David sur le drapeau impérial de notre mécène, mais en plus, on lui avait laissé acheter tout un fourbi d'artistes. Un chevalet, des toiles, des boîtes d'aquarelle en bois précieux. Mais qu'est-ce que tu veux peindre ici? C'est le désert. Je veux peindre la couleur. Ah oui? Donc un bleu pour le ciel, un jaune pour les dunes, c'est pas très intéressant. Je peux le faire d'une autre couleur si ça me chante. Et à la place des lignes calmes ondulées des dunes, je peux inventer autre chose. Eh bien alors, à quoi ça t'a servi de venir jusqu'ici si tu inventes tout? Dans ta Russie, tu aurais inventé exactement les mêmes choses. Quoi, j'ai dit une connerie? Tu crois ça? Bah quand même. Oh, moi j'aime mieux regarder la nature que tes barbouillages. Mais moi aussi, c'est pour ça qu'avant de me mettre, je regarde bien les choses. Mon travail ne me prive pas des réalités, tu sais. Bon, mais ça te fait quoi quand tu peins? Quand toi... Quand tu croques une proie, je pense, Tu trouves qu'elle était plus jolie quand elle courait dans les paysages. Mais c'est plus fort que toi. Tu ne peux pas t'empêcher d'y planter tes crocs. Oh, ah, ça je comprends. D'ailleurs, excuse-moi, mais je crois que je viens d'apercevoir une souris là-bas. C'est ça qu'elle est. Oh, tout. J'essaie d'avoir le bélec. Ah. Alors, petite souris du désert, fais-moi voir un peu à quoi tu ressembles. Mais... c'est pas une souris. Tu vois, c'est cette courroie-là qui actionne le moteur. Et ça? Ça? C'est un radiateur. Ah, c'est malin, hein? Excusez, excuse-moi, je crois votre chat est pas bien. Mon chat. Mon pauvre chat. Le peintre dit que c'est un chat qui parle. Et comment il sait ça, lui? Il affirme que depuis qu'il est en Algérie, cet animal n'a jamais arrêté discussion. Moi aussi, il me parlait souvent, avant. Et peut-être qu'il a trouvé un autre maître. Et tu ne pries pas pour ton chat? Quand ma femme est morte, j'ai prié jour et nuit, le saint béni soit-il. Il n'a rien fait. Alors je ne vois pas pourquoi il lèverait aujourd'hui le petit doigt pour mon chat. Non, ça suffit, c'est juste un chat. Et puis, il faut dormir. Mais non, c'est plus que ça. Votre camion, là, vous venez de l'acheter. Mais s'il tombe en panne, vous le remplacerez facilement. Un âne, un chat, ça ne se remplace pas comme ça. Et puis, ça nous dure plus longtemps. Alors, mettez chat dans le camion. À prochaine halte, il y aura peut-être un docteur. Non, si on attend, il ne survivra pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre des piqûres de scorpions? Je connais un chef de tribu qui traîne au bord de Tenezruft. On peut rejoindre son campement en quelques heures. Son marabout fait des merveilles. C'est un ami? Ah non, mais il me respecte. Enfin, je crois. Eh bien, allons. Allons-y. Soyez très prudents quand on sera parmi eux. Ce sont des gens très susceptibles. Et qu'est-ce que vous dites? Susceptibles? Ne parlez pas de religion. Ce sont des fanatiques. Vous avez de la chance que mon prince respecte le sexe phare. Sans ça, je n'aurais jamais sali mes mains. Pour soigner un chat. Mon chat. Mon chat qui n'a même pas de nom. Il vivra. Vraiment? Oh merci. Merci du fond du cœur. Comment vous appelez-vous? Professeur Soliman. Eh bien, dorénavant, je donnerai à ce chat le nom de Soliman. Quoi? Bismillah, je porte le prénom d'un prophète. Donner ce nom sacré à une bête serait une terrible indélicatesse et une grave humiliation. Pardon. Alors dans ce cas, je continuerai à ne pas lui donner de nom. Mais je prierai souvent pour vous. Vous êtes juif? Oui. Vos prières ne vont pas loin. Si vous souhaitez me faire plaisir, embrassez plutôt la foi de Mohamed. Mais enfin, nous prions le même Dieu. C'est vous qui le dites. Merci quand même. Pour le chat. Dis-moi, vieux maître. Hein? On est encore tombé chez les dingues. Mais tu reparles, toi? Oh, Dieu soit loué. Je ne sais pas pourquoi tu as perdu la parole. Je ne sais pas pourquoi tu l'as retrouvé, mais comme je suis content! Je n'ai jamais cessé de parler, tu sais, c'est toi qui m'écoutais pas. Non, je t'assure, tu ne faisais que miauler. En tout cas, j'ai plein de choses à te raconter. Oui, mais ici, nous sommes chez des gens un peu soupaulés, alors il vaudrait mieux que tu ne parles pas trop, d'accord? Pouvez-vous dire à son Altesse de mettre son épaule gauche un peu en avant? Ça lui donnera une allure plus altière. Mais qu'êtes-vous donc en train de faire, maudit ? Du calme, mon frère. Cet ami fait juste le portrait de ton prince pour le remercier de son accueil. Quelle sorte de musulman es-tu pour ignorer que le Saint-Coran prohibe la représentation de la figure humaine ? Un musulman qui a mieux lu le Coran que toi, mon frère. Ce sont les juifs qui interdisent la représentation. Chez nous, se méfier des images, c'est juste une tradition. Mais aucun passage du Coran ne les interdit formellement. Tu mens. Tu me traites de menteur devant ton prince ? Eh bien, tiens. Voici un exemplaire du Saint-Coran. Trouve-moi dedans un seul passage qui interdise à mon ami de faire le portrait de ton prince. Dis au prince que si je l'enfonçais de quelque façon, j'arrête tout de suite. L'ami demandait s'il doit arrêter peindre. Non. Je crois que notre tradition se méfie surtout des statues. Ce sont elles qui mènent à l'idolâtrie. La silhouette qui se tient dans un cadre peint ne projette pas d'ombre. Elle est moins néfaste. Et puis, il me semble que mes descendants seront heureux de voir à quoi je ressemblais. C'était bien la peine que tu nous dises de surtout pas parler religion, hein. Je sais, j'ai eu tort. Mais moi aussi, je suis susceptible. Ça fait 75 ans que j'arpente cette planète en rendant grâce à mon prophète 5 fois par jour. Alors je ne supporte pas qu'un gamin en colère vienne me donner des leçons de religion. Mais croyez-moi, notre Dieu n'est pas haineux. Il aime la science et les arts, et tout ce qu'il veut, c'est que ses enfants vivent paisiblement. Et quel dommage qu'il laisse tant d'ignorants parler en son nom. Oh. Il t'en a mis un son. Je refuse de faire ça. Niet, niet, niet, je ne fais pas. Hey, Stino, tu devrais venir, hein, quand même. Le prince a organisé un banquet ce soir. Je veux lui offrir son portrait. Il voudrait mieux que tu sois là, hein, pour faire l'interprète. Je charge mon revolver, alors. C'est ça la langue de demain. Bang, bang, tout le monde comprend. Arrête donc de jouer au vieux soldat impitoyable. Je sais qu'en réalité, tu es un type bien. Hein? Tu crois ça? Bah oui, tu te caches pour boire afin de ne pas enfoncer nos hôtes. Tu viens en aide à des juifs. Si tous nos anciens maîtres étaient comme toi, il n'y aurait jamais eu à la révolution. Et attention à ce que tu dis, le peintre. Allez, viens, je te ramène au campement. Moi, je ne respecte personne. Moi, je vous emmerde tous. Les juifs, les arabes, les rouges. Non, l'amitié entre les peuples, je m'en fous. Oui, pourtant, tu as vraiment quelque chose de sympathique, tu sais. Un mot plus haut que l'autre, bam, un coup de revolver. L'amitié entre les peuples, c'est de la merde. Vive l'amitié entre les hommes. C'est ça. Maintenant, il faut aller manger. Je vais boire. Mohamed, mon ami, encore merci. Sans toi, mon chat serait mort. Et tu sais quoi? En plus, il reparle. Ah oui, merci, monsieur le cheikh. Chut, je n'ai pas que des amis à cette table. S'ils entendent un chat qui parle, on passera pour des sorciers et nous décapiteront aussi sec. Voilà, c'est mieux. Alors, étranger, as-tu enfin terminé mon portrait? Oui, prince. Montre-moi. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire... Oh, l'infinie richesse de votre âme ne saurait être contenue dans une image, ô maître. Certes. Mais tout de même, je suis content. Allez, à table. Et vos femmes, elles sont où? Où vous mettez fille du désert ou Saint-Lourd? Il est parfois bon que certains bijoux restent dans leur écrin. Ah, vous cachez elle dans une autre tente. Pourtant, c'est elles qui font cuisine ce soir. C'est intéressant, des créatures qui font tout et que jamais on voit. Elles aussi, elles ont le dîner spécial pour elles. Ou elles devoir finir nos restes quand nous partirons de table. Taisez-vous à présent, Vespanov. Excusez-le, c'est un exalté. Il ne faut pas le prendre au sérieux. C'est moi l'exalté. Bismillah, mon prince, on nous insulte à notre table, c'est intolérable. Je dirais plutôt que c'est instructif. L'état déplorable où se trouve ce vieillard prouve bien tout le mal que peut engendrer l'alcool. Ce n'est pas parce qu'il est ivre qu'on ne doit pas lui couper la tête. Oh non, je n'ai pas dit que c'était interdit. Ah, vous voulez jouer à ça? Je n'ai pas peur de toi. J'aime mourir. J'aime la mort plus que toi. Mais attendez, vous pourrez vous tuer après le repas. Mais d'ici là, on ferait peut-être bien de discuter calmement pour voir si c'est vraiment nécessaire, non? Tu as raison, juif. Parlons de nos religions respectives. Mais... À table? Parle-nous de l'islam et du judaïsme. Ah. Eh bien... Que dire? L'islam, c'est très bien. Et le judaïsme aussi. Ce sont deux religions très bien. Et finalement, elles se ressemblent beaucoup. Par exemple, les pâtisseries juives et arabes, c'est les mêmes. Mais tu ne trouves pas que l'islam, c'est mieux? C'est-à-dire... Comment? Oui, certainement. Alors... Pourquoi ne te convertis-tu pas à notre foi? S'il vous plaît, le Coran nous commande fraternité, respect pour les enfants d'Abraham. Toi, tu aimes plus les juifs que tes propres frères. Et c'est moi l'exalté. De deux choses l'une, soit ton juif accepte de reconnaître la loi du prophète, soit le seul dialogue avec lui passera par le fil de mon sabre. Non! Écoutez, ce n'est pas raisonnable, voyons! Je sais, voilà ce qu'on va faire. Je vais garder ma religion, parce que je connais déjà toutes les prières en hébreu. Et que si je dois les réapprendre autrement, ça ferait beaucoup trop de travail. Mais ça ne veut pas dire que ma religion est mieux que la vôtre. Bonne réponse, juif. Et maintenant, vous bien écoutez. Avant le dessert, avant que jeune barbu et moi réglons querelle dans le sanguinaire, il faut que vous instruisez moi dans point essentiel de doctrine théologique. Lequel de ces trois prophètes avoir la barbe la plus longue? Moïse, Jésus ou Mohamed? Allez, discutez sur ça, puisque tout le monde se bat depuis des siècles sur des questions aussi essentielles, nous vouloir régler ça une fois pour toutes. Ça suffit, je vais te faire taire. Incline-toi devant un soldat de Dieu. Jamais! Chaque infidèle que j'égorge me rapproche de Dieu. Je vais tuer plus d'hommes que toi. Et j'ai trop perdu la guerre pour toi me faire peur. C'est Dieu qui guide ma main. Ah oui, alors tu dis à Dieu, car le scribe, il est moins habile qu'un soldat du tsar. Si je me rends pas, j'irai au paradis. Dieu t'a menti. Nous n'allons nulle part. Ah. C'était un duel équitable. Mon conseiller a perdu sur le terrain de l'honneur. Cette affaire est close. Mais tu as amputé mon armée d'un soldat important. Tu me dois une vie. Laisse ton peintre ici et je m'engage à vous faire quitter mon camp sain et sauf. Il fera le portrait de ma lignée. Et gardera trace de mes exploits. Je n'avoir pas une tribu. Ces hommes ne sont pas moi. Dans ce cas, tu n'as d'autre cadeau à offrir que ta misérable vie. Décapitez-le. Ma vie appartient au tsar. Et il m'interdit de la donner sans combattre. avant même que le russe ne presse la détente de son arme. Les hommes du prince lui avaient fait un sort. Deux morts, ça suffit peut-être pour ce soir. Je crois que vous feriez preuve de sagesse en nous laissant maintenant reprendre notre route sans encombre. Non, hein? Certes, mais auparavant, il faut manger le dessert. Oui, bien sûr. Ensuite, nous boirons le thé et vous jouerez de l'oud pour me divertir. Bien sûr, prince, bien sûr. Au petit matin, vous pourrez me quitter en toute tranquillité. Merci, prince. Merci. Les conseillers du prince souhaitaient que le corps de Vastenov reste exposé au soleil et prenne des coups de pied. Le Cheikh Sfar a obtenu qu'on l'emporte avec nous. Et on lui a fait une tombe près de l'ancêtre de mon rabbin et du musicien. Comme ça, chaque année, on viendra le voir lui aussi. Allez. Je suis fier de mon chat. Avant, il parlait à tort et à travers. À présent, il fait attention. Pendant toute cette dispute, absurde, je tremblais à l'idée qu'il s'en mêle. Et il n'a rien dit, non? C'est bien, mon chat. Je n'ai rien dit. Oh, maître, mais je n'ai pas rien fait. Pendant que tout le monde discutait, j'ai lacéré à coups de griffe le portrait de ce prince. La prochaine fois qu'il regardera le tableau, c'est pas son visage qu'il verra, mais les traces de mes pattes. Quand on prêche le rigorisme, il faut en subir les conséquences. Moi, je suis plus royaliste que le roi. C'est un bon chat que j'ai là. Non, maître, je suis aimant, mais je suis pas gentil. C'est bien, c'est bien. Hé, chat, il faut que tu traduises pour moi maintenant qu'est-ce que vous racontez. J'ai dit que j'ai barbouillé ton portrait du prince. T'as bien fait, chat. Ça m'a embouté de lui laisser ce cadeau. Au moins vite là! On n'a pas 10 pattes non plus! À suivre. Le chat du rabbin. De Johann Sfar. Adaptation. Katel Guillou. Le chat du rabbin de Johann Sfar. Est publié chez Dargaud. 9e épisode. Avec. Rufus. Jonathan Cohen, Léonide Glouchenko, Sid Ahmed Agoumi, Gilles Privat, Vernon Dobchev, Pascal Zonzi, Jean-Michel Martial, Modeste Nzapasara, Sylvain Elie, Majid Medzouri, et les voix de Jean-Christophe Frech, Henri-David Cohen, Julien Grenet, Sylvain Elie, Félicien Jutner, Mélissa Barbeau, Morgane Eno. Bruitage Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage. Claire Levasseur. Émilie Couette. Assistante à la réalisation. Marie Placet. Réalisation. Cédric Aussire.